بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في درس 64 64e question او plutôt درس leçon. وبفضل الله تعالى nous avons terminé كتاب توحيد العقيدة en prenant les points liés à la foi. Et من هذا اليوم ان شاء الله سندخل في كتاب جديد وهو كتاب السيرة. Ce qui est le livre du parcours prophétique. Tout ce qui touche à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à sa da'wa et à la propagation de l'islam. Mais évidemment, nous n'allons pas forcément lire toutes les questions exposées par l'auteur, histoire de raccourcir, car certaines questions sont toujours mufida, mais on aimerait donner ce qui est de plus important, d'accord ? Et quoi qu'il en soit, celui qui a le livre et qui a assez de connaissances en langue arabe peut profiter de son côté. Naam. Taïb. فقال أولا ذكر ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم les choses qui se rapportent à notre prophète صلى الله عليه وسلم. قال في السؤال 91 بعد 300 il a dit dans la question 391e question متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم quand est-ce qu'est né le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc il était dit qu'il est né عام الفيل l'année de l'éléphant كما في حديث Ibn Abbas, قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يعني عام الفيل qu'il est né صلى الله عليه وسلم le jour de l'éléphant c'est-à-dire la ligne de l'éléphant والحديث يعني رواه ابن سعد في الطبقات وغيره ثم قال أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم où est-ce qu'il est né il est né à Mecca comme cela est connu مكة المكرمة ثم قال في السؤال 393 question لماذا سمي عام الفيل pourquoi est-ce que cette année-là a été nommée l'année de l'éléphant قال لأن أبرهة الحبشي حاول هدم الكعبة بجيش له أو بجيش معه بجيش طيب ومعه فيل في ذلك العام. Donc pourquoi? Parce qu'il y avait Abraha qui était un Habashi, vous connaissez ce qui est l'Éthiopie actuellement, un Éthiopien, qui a tenté de détruire la Kaaba en venant avec des grandes troupes, d'accord, et un éléphant immense, pour pouvoir détruire la Kaaba lors de cette année. ثم قال في السؤال 394e question. Elle استطاع هدم الكعبة. Est-ce qu'il a pu accomplir son objectif à détruire la Kaaba? قال لا. بل أهلكه الله بالطير ترميهم بحجارة من نار. Il a dit qu'il n'a pas pu faire cela et que Allah l'a fait périr et l'a détruit lui et ses troupes en envoyant sur eux des oiseaux qui leur jetaient des pierres de feu. Comme dans la sourate de l'éléphant. كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول parce que Allah عز وجل envoie justement les oiseaux sur les jambes de l'éléphant c'est-à-dire les troupes de Abraha d'accord pour pouvoir mettre pouvoir empêcher leur complot de s'accomplir qui était de détruire sa maison sacrée. Donc il envoyait des oiseaux qui, avec des pierres ou des cendres ou des pierres, comment on dit, incandescentes, et chaque pierre devait toucher chaque personne. Et ils furent tous détruits les uns après les autres après cela. Alhamdulillah ta'ala. ثم قال في السؤال 395e question. Man huwa Abu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui est son père? C'est Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Son père s'appelle Abdullah. Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim. Et son père est mort sur le shirk. Contrairement à ce que des gens veulent faire croire, son père, comme dans un hadith, il est venu que le Nabi sallam est interrogé par un homme qui lui a dit, cet homme a dit au prophète sallam, où est mon père? Quand là où le Nabi sallam fait nar, ton père est au feu. Et après, pour ne pas que cet homme-là prenne en lui, le prenne mal ou quoi, il lui dit, ton père et mon père sont au feu. C'est-à-dire qu'il a affirmé que son père, son propre père, était au feu également. Et c'est une chose que Allah Azza wa Jalla a voulu. ثم قال في السؤال 96 بعد 395e question. من هو جد النبي صلى الله عليه وسلم? Qui est son grand-père? Et son grand-père, c'est Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd al-Manaf, connu par le nom de Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, c'est un surnom, car en vérité, son nom, c'est Shayba. Il était appelé Abdul Muttalib, car il était revenu d'El Medina avec son oncle, il me semble, si je ne me retrompe pas. Et quand il est revenu d'El Medina, il est arrivé, il était tout noir par le voyage sur le soleil. Mais lorsque les gens l'ont vu, ils l'ont pris pour l'esclave de Muttalib. Donc ils l'ont appelé Abdul Muttalib. Ils l'ont appelé Abdul Muttalib. Et son nom, c'est Shayba. Soma Kuala Fisuel, Essabi Watisin Barfala Somia. 397e question. Min ayi qabilatin yakunu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. De quelle tribu fait-il partie? Et là, c'est Ma'louf, partie de la tribu de Quraysh, qui elle-même d'ailleurs porte une sourate dans le Coran qui porte son nom. نعم والدليل هو حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم que Allah عز وجل a choisi en particulier la descendance de Ismaïl, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salam. Et parmi sa descendance de Ismaïl, que Allah Azawajal a choisi Quraysh. Et que parmi les Quraysh, que Allah Azawajal a choisi les fils de Hashim. Et que Allah Azawajal, parmi les fils de Hashim, il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith rapporté par le muslim. Thumma qala min man hiya ummuhu, qui est sa mère? Comment s'appelle sa mère? Hiya Aminatu bint Wahb. Aminatu بنت وهب نعم فقال في السؤال التاسع والتسعين بعد 300 هل أذن الله له بزيارة قبر أمه est-ce que Allah lui a autorisé de visiter la tombe de sa mère قال نعم ولكن لم يذن له بالدعاء لها لأنها ماتت على الشرك donc il a dit oui Allah lui a autorisé d'aller visiter la tombe de sa mère d'accord mais il ne lui a pas autorisé de n'invoquer pour elle car sa mère est morte sur le shirk. Donc ses deux parents sont morts sur le shirk. Et de là, on voit que si le professeur Salem ne l'a pas été osé pour sa propre mère, qu'en est-il de gens qui sont de moins de rang que lui? Kama qala ta'ala, ma kana lin-nabi wal ladhina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashab al-jahim wa ashab an-nar. Que Allah qui n'est pas, on revient pas au prophète ainsi que en croyant avec lui de demander pardon pour ceux qui seraient morts sur le shirk, même si c'était des proches parents. Donc l'istighfar pour les mécréants, chose qui n'est pas permise, quand bien même serait-ce nos propres parents, car Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas que l'on meure sur le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Que Allah n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne dans cela qui le veut. Donc celui qui meurt sur le shirk, d'accord, Al-Akbar, il meurt en étant sûr de ceux qui sont au feu éternellement. Wallahi a'udhu billah. Naam. Donc, هذا الذي أردنا نأخذ اليوم من هذه السيرة سنكتفي بهذا القدر. On va se contenter de cela aujourd'hui. Alhamdulillah.